Les journées par terre. Trop souvent le cachet qui fait payer au noir. La rançon de la gloire se paye assis au bar. Dans la plus juste pour louer de la sagesse. Les galets dans le chalet, juste un air solitaire. Sorti en souriant, espoir des noyés te traque. Allez, c'est dur, 100 mètres, que l'on te pire la traque. C'était ton dernier kick, c'était ton dernier hack. Ouais. Allez, Blue Jack. Bon ça. Il avait tout pour lui, l'ambition des hauts. On discutait souvent et moi je buvais ses mots. Pas tout à fait seul, le blues dans la peau. Faut qu'on fasse un star au fils matin et soir. Le mur de la cité résonne à ses laissés. Le frisson des stadions hurlant pour communier. Allez, c'était ton dernier gig. C'était ton dernier acte. Violent ce fut la claque. C'était ton dernier jour, c'était ton dernier acte. Je me suis réveillé, la pluie tombait sur le pavé. J'ai relevé mon col, brûlé mes vapeurs d'alcool. Tes mélodies s'étaient subitement vêtues gris. Les yeux ont vu de tristesse. Wow, yeah. C'était bon ça. C'est bon ça, mon gars. Me sourire la galère. Me sourire la galère. Javi, il est parti, Javi. Thank you. sais. Je rêvais d'un autre monde. Je rêvais de notre monde. Ouais, je rêvais d'un autre monde, c'est un peu mou là. La batterie en même temps. Yeah. ouais, d'accord. C'est... Un peu fort là, non? Je rêvais un autre monde téléphone. Ok, okay. C'est bien, ça. T'es prêt? Dédicace à ce qui est téléphone, une version particulière. Je rêvais d'un autre monde. Je rêvais d'un autre monde et la terre est bien ronde. est si blonde. Car ce soir danse, danse encore les ombres du monde. Chers amis à la guitare, j'ai perdu un guitariste. Dream Did. Salut la Russie. Listen to the... Listen. Could you play this... Listen. Ok. Alors non, c'est pas la gamme ça. Alors la gamme là-dessus c'est... Alors je sais pas si c'est bonne gamme hein. Thank you. party. I have a problem with my computer. Gourmand lui. Salut. Sit by me and everything fine could be heaven for everyone, could be heaven for everyone, could be heaven for everyone, for everyone. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. There's trouble there, your cruel injection. You come to me and serve my trouble, mind. It could be heaven for everyone.